explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Mais croyez-moi, j'ai pu regarder les paysages par le hublot. Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. J'ai fait prêt. Daniel Fievé. Lorsque l'on évoque l'Amazonie, on pense à sa forêt gigantesque, au trésor de biodiversité qu'elle abrite encore malgré la déforestation massive qu'elle connaît depuis plusieurs décennies. Mais on oublie souvent qu'elle a été habitée par des civilisations importantes. Il y avait 8 à 10 millions d'Amérindiens en Amazonie avant la conquête espagnole. 50 ans après, ils étaient 10 fois moins nombreux. Pendant longtemps, les Occidentaux ont plaqué sur ce lieu leur propre mythe. En témoigne le nom qu'ils ont donné au gigantesque fleuve qui traverse cette forêt, l'Amazone, en écho au mythe de l'Antiquité grecque. Alors à quoi ressemblaient réellement les sociétés d'Amazonie avant l'arrivée des Européens ? Peu d'archéologues se sont intéressés à la question. Des découvertes récentes révèlent des pans entiers d'une histoire humaine riche, encore largement méconnue et sous-estimée. Alors aujourd'hui, nous partons bivouaquer sous l'épais feuillage de la forêt amazonienne sur les traces des civilisations disparues. Que c'est beau. Sur France Inter. Mais vous ne m'écoutez pas, hein ? Vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Autour de la table, l'archéologue Stéphane Rostin et la journaliste Hélène Singier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Stéphane Rostin, vous êtes chercheur au CNRS. Vous êtes l'un des rares archéologues français à travailler sur la forêt amazonienne. Vous signez dans le numéro du 1 Hebdo qui sort aujourd'hui un article intitulé « La forêt vierge n'existe pas ». Nous allons comprendre pourquoi dans cette émission. Hélène Singier, vous avez coordonné la rédaction de ce numéro du 1 Hebdo intitulé les Passions Amazonie, numéro dont le temps d'un bivouac est partenaire. Vous allez tous les deux nous emmener dans cette immense forêt et nous raconter en quoi les dernières découvertes archéologiques remettent en question ce que l'on pensait savoir sur les civilisations qui y ont vécu. Les messages des auditeurs arrivent sur franceinter.fr et notre page Facebook. À 17h, nous reviendrons sur l'histoire des pionnières de l'aviation. Voilà pour le plan de vol du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaux. Chaque fois qu'on a un moment de libre dans la station, on en profite pour photographier la Terre. Au cours de mes 3 voyages spatiaux, j'ai dû prendre aux alentours de 45 000 clichés. Certains endroits du monde sont faciles à photographier. Le désert australien, par exemple. Il fait toujours beau par là-bas. Mais dans d'autres coins, les photos ne sont presque jamais réussies. L'un de ces coins, c'est le bassin amazonien. Ça fait réfléchir quand même. Qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Le témoignage de l'astronaute Chris Hadfield. Même vu de l'espace, l'Amazonie semble mystérieuse et impénétrable. Qu'est-ce qui se passe là-dessous, se demandait-il. Stéphane Rostin, ça vous étonne ce que dit cet astronaute? Non, ça m'intéresse beaucoup et c'est un très bel exemple que vous avez choisi, puisque le grand problème de l'Amazonie, c'est que on l'a toujours regardé avec nos yeux bleus, alors qu'il faut la voir avec des yeux noirs d'Amérindien pour la comprendre. Et l'exemple justement de l'astronomie est intéressant parce que les constellations sont les mêmes partout, sauf qu'on les interprète différemment. Par exemple, Orion est considéré comme un chasseur antique en Europe, alors que les Amérindiens, ils voient 4 singes, 4 frères singes qui sont montés dans le ciel. Mmh. Et donc, il y a vraiment 2 visions très différentes et je crois qu'on en est encore au point à essayer de comprendre comment les savants amérindiens voient leur forêt et l'utilisent. Et c'est peut-être ça le grand bond qu'on a fait depuis 20 ans, c'est d'essayer de comprendre l'autre au lieu de lui imposer nos propres visions. Hélène. Oui, en fait, c'est intéressant cet extrait parce que quand vous discutez avec des personnes qui surveillent la forêt et notamment la déforestation, une de leurs techniques, c'est d'utiliser des satellites, sauf qu'il y a des endroits où il y a toujours des nuages. Donc, on ne peut pas savoir si sous ces nuages, quelqu'un a coupé la forêt, l'a rasé ou en a fait un champ de soja ou un pâturage. Et donc, vraiment, on est désemparé parce que c'est trop grand pour y aller à pied ou en bateau ou par n'importe quel moyen terrestre. Et vu de haut, ça reste impénétrable. Oui, c'est vraiment à ces nuages que faisait référence l'astronaute dans dans l'idée qu'on a l'impression qu'on nous cache quelque chose. Qu'est-ce qui explique la présence de ces nuages quasi permanents sur certaines zones de la forêt? La forêt produit elle-même son humidité. À vrai dire, on a souvent parlé de l'Amazonie comme le poumon de la Terre. C'est faux. Enfin, c'est surtout pas très intéressant ces rejets de carbone. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le rejet d'humidité. La forêt crée sa propre humidité qui va elle-même se déverser sur la côte brésilienne. Et c'est en ça qu'elle est très intéressante et qu'elle participe à la régulation du climat mondial. Plutôt qu'un poumon, on a tendance maintenant à voir l'Amazonie comme un cœur qui irradie de l'humidité. Comme un cœur, voilà qui est une belle image. Un gros cœur, hein, parce que elle est de la taille quand même de l'Australie, oui. Cette forêt. Hein, donc c'est un cœur puissant qui est menacé, on le sait, mais qui est encore très imposant, hein, Stéphane Rostand. Oui, là, elle a perdu quand même durant les 40 dernières années, pas loin de 20% de sa superficie. Pour prendre un exemple peut-être classique, toutes les 90 minutes, c'est-à-dire le temps d'un match de foot, disparaissent la superficie de 750 terrains de foot en Amazonie. Donc c'est une déforestation qui a repris de plus belle depuis que Bolsonaro a été élu, puisqu'il est contre, il est pour la déforestation et contre l'écologie basique. Et donc c'est une dévastation qu'on peut voir à l'œil nu parce qu'on la voit donc par les fumées qui sortent de partout. C'est très impressionnant de survoler l'Amazonie de nuit parce qu'il y a des feux partout. Ah oui. Alors ça reste un endroit immense, hein, de la démesure, 390 milliards de troncs d'arbres, 1800 espèces, et puis ce fleuve gigantesque, le plus long du monde, avec une embouchure de 300 kilomètres de large, une vingtaine d'affluents. On est vraiment dans les superlatifs. Hélène Saint-Gier, c'est pas un hasard si vous avez décidé de commencer la série d'été du 1 Hebdo par justement l'Amazonie, parce que tout l'été, au travers de différents numéros, vous allez nous emmener comme ça dans des territoires lointains. Oui, lointain et fascinant. C'est Sophie Girardi en fait qui a coordonné ces trois numéros du 1 Hebdo. Donc on commence par l'Amazonie qui est la plus grande forêt. On va aller également dans le Sahara qui est le plus grand désert et puis dans l'Himalaya, donc qui est la plus haute des montagnes. Et à chaque fois, l'idée c'est de se laisser emporter par l'aspect majestueux de ces endroits et en même temps de prendre en compte, de se rendre compte de tous les enjeux humains, culturels, économiques, géopolitiques qui se cachent derrière les beaux paysages, on va dire. Ouais. Alors évidemment, le 1 c'est toujours une thématique vue par différents aspects. On est dans la sociologie, dans la poésie, dans aussi l'archéologie. Vous avez fait signer à notre invité Stéphane Rostin un très joli article sur lequel on aura l'occasion de revenir. Et vous avez aussi interrogé Philippe Descola qui a passé plusieurs années aux côtés des Amérindiens de la forêt amazonienne. Je vous propose de l'écouter au sujet de la forêt. Les Indiens avec lesquels j'ai eu le bonheur de vivre quelques années, les Achuars, conçoivent que la forêt n'est pas une forêt vierge, une forêt qu'ils vont occuper, domestiquer, transformer par le travail humain, mais que c'est déjà un jardin. Ils considèrent que les plantes, que nous appelons sauvages, ont été plantées par des esprits. Qu'il y a des jardiniers surnaturels, si vous voulez, qui entretiennent cet espace, que les animaux sauvages sont les animaux apprivoisés des esprits, etc. Autrement dit, la distinction que nous faisons, nous, entre un univers domestique, apprivoisé, transformé d'un côté, et puis un univers sauvage, qui est un espace de promesse pour l'homme, éventuellement, cette distinction n'a aucun sens pour les Achuars, qui voient au contraire la forêt comme étant un jardin, c'est-à-dire comme étant un espace profondément anthropisé. L'anthropologue Philippe Descola, Stéphane Rostin, qu'est-ce que pense l'archéologue que vous êtes de ces considérations anthropologiques? Alors, je suis totalement le discours de Philippe. Il a quand même réveillé beaucoup de conscience et proposé une compréhension de ce monde sylvestre tout à fait pertinente et qui est adoptée par la majorité maintenant. Je crois que le grand intérêt de son regard, c'est cette continuité qu'il y a entre le monde des humains et le monde des non-humains. Qui caractérise les populations. Et de là, on peut mieux comprendre leur adaptation à cette forêt qui est pour l'archéologue un peu discrète. fait, et ça nous pose parfois des problèmes parce que on a mis des années, on s'était concentré sur les pauvres vestiges, tessons de céramique ou cailloux taillés, et finalement il fallait voir lever les yeux et regarder le géant qui était l'Amazonie pour voir l'action de l'homme passé sur cette forêt. Et on a révolutionné l'archéologie grâce à ce changement de paradigme et de regard sur la forêt. Et quand vous dites on a révolutionné, vous n'étiez pas nombreux. Parce que vous, alors, l'archéologie en Amazonie vous passionne depuis, ça fait plusieurs décennies que vous avez mis les pieds là-bas et que vous fouillez le sol amazonien. Mais finalement, peu d'archéologues jugeaient ça intéressant. Beaucoup se sont intéressés aux Mayas, aux Incas, qui se trouvaient à d'autres endroits de l'Amérique latine. Mais l'Amazonie, quand jeune étudiant, vous avez dit « je veux aller faire ma thèse là-bas », on vous a dit « mais c'est une très mauvaise idée, il n'y a rien à trouver là-bas ». On m'a presque empêché de le faire. On m'a dit, je me souviendrai toute ma vie de cette phrase, arrête tout de suite l'Amazonie, sinon tu trouveras jamais de boulot, ça n'intéresse personne. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 80, on était vraiment pas nombreux, on se comptait sur les doigts d'une main. Mon plus proche voisin était à 2000 kilomètres de moi, donc on n'avait pas souvent l'occasion de s'engueuler. Bon, quand même l'activité favorite des archéologues, faut quand même le savoir. Maintenant, ça a un peu changé, et notamment grâce à la politique menée au début de notre millénaire au Brésil, qui a relancé un peu la recherche universitaire. Et maintenant, vous avez beaucoup de chercheurs locaux, notamment au Brésil, qui ont des thèses et qui dirigent des programmes. On a organisé le dernier congrès qu'on a organisé d'archéologie amazonienne, on était plus de 400. Oui. Donc ça a vraiment changé là. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que cette zone n'avait jamais été tellement habitée, à part par des tribus, des peuples premiers, que l'on disait premiers de façon un peu pudique. Finalement, il y a eu du monde dans cette forêt et elle a été fortement aménagée. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui. On le comprend grâce aussi à l'évolution des sciences. Maintenant, on arrive à mesurer des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 30 ans. On a radicalement changé le regard. Ça allait beaucoup plus loin, puisqu'autrefois, vu la pauvreté des vestiges, l'archéologue se rapatriait sur le discours ethnologique et on disait « regardez comment ils vivent, ils ont toujours vécu comme ça ouais. ». Chose qu'on n'a jamais fait au Guatemala, où on savait bien que les Mayas avaient subi le choc de la conquête, ou les Incas, pareil, on ne le faisait pas dans les Andes. Ouais. On ne disait pas « regardez les paysans quechua actuels, ce sont des Incas ». Non. Alors qu'en Amazonie, on s'est dit, c'est des semi-nomades chasseurs, et ça a toujours été ouais. comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir justement ces Amérindiens d'avant la conquête espagnole comme des chasseurs-cueilleurs. Ils ont cultivé le sol, ils ont fait de la forêt amazonienne leur jardin. Oui, un grand jardin humain. Alors, pas partout, c'est très inégal. On est sur 7 millions de kilomètres carrés. Toutes les régions n'ont pas été traitées de la même façon. Mais grâce à un travail interdisciplinaire qui a réuni des archéologues, mais aussi des anthropologues, géographes, écologues, botanistes, etc., on s'aperçoit que les effets de l'anthropisation ont été beaucoup plus loin qu'on ne pouvait le croire, notamment sur les espèces, les distributions des espèces, ils ont croisé des espèces, ils ont empêché d'autres, et donc la forêt est en partie le résultat de cette action humaine. Cette forêt que l'on dit vierge, d'où le titre de votre article dans le 1 Hebdo, la forêt vierge n'existe pas, cette forêt que l'on dit vierge, c'est parce qu'elle a été abandonnée, mais on retrouve les vestiges de culture et les plantes que l'on y trouve montrent qu'il y a eu de la sélection, qu'il y a eu de l'aménagement, que des plantes ont été déplacées. Exactement, et ça a été démontré, prouvé il y a 2 ans maintenant sur un article important publié dans Science. Quand je dis que c'est pas une forêt vierge, mais d'ailleurs Philippe Descola commence son discours de la même façon. Ouais. C'est dans le sens en effet qu'il faut apprendre à regarder ce qui est pas facile pour nous de regarder cette forêt différemment. Et les effets induits par l'homme il y a 1000 ou 2000 ans parfois perdurent de façon visible. Au niveau de la végétation, au niveau du sol aussi, les Amazoniens ont aussi transformé le sol en profondeur, comme l'explique ici l'archéologue Eduardo Neves. Le sol ici est bien plus riche que le sol moyen qu'on trouve en Amazonie. Et la raison pour laquelle il est si riche, c'est qu'il a été créé par l'homme dans le passé. Sous les champs luxuriants, une épaisse couche de terreau fertile de 2 mètres de profondeur recouvre le site entier. On appelle cela Terra Preta, et il n'existe rien de comparable sur la planète. Ces créateurs ont incorporé au sol infertile de l'Amazonie des tonnes de tessons de poterie, des arêtes de poisson et la bonne quantité de charbon. Prenez du carbone, mélangez-le avec tout un tas de matières organiques et vous obtenez une sorte de super compost. C'est ça, la terra preta. Depuis des siècles, les agriculteurs du monde entier pratiquent le brûlis pour régénérer les sols. Mais apparemment, les Amazoniens avaient recours à une méthode différente. La combustion partielle, qui leur permettait d'obtenir non pas des cendres, mais du charbon. Le résultat ? Un des sols les plus fertiles et les plus stables de la planète. La concentration en nutriments des sols qui contiennent de la terra preta est tellement hors norme que nos instruments n'arrivent même pas à la mesurer. Stéphane Rostin, voilà un exemple des pratiques. Alors, terra preta, c'est terre noire en portugais, si j'ai bien lu votre article. Un exemple des pratiques des civilisations précolombiennes qui perdurent, qui laissent des effets. Et puis surtout, un exemple de l'importance du peuplement précolombien, puisque les terra preta sont pas forcément volontaires. Hein. Elles ont été en effet poursuivies par l'homme, mais au départ, c'est le résultat d'un habitat très long et très dense au même endroit. Donc quand je dis très très dense, c'est des milliers d'habitants, et très long, c'est sur plusieurs siècles, et ça finit par polluer la terre, et la transformer chimiquement et mécaniquement, et cette terra preta est un peu magique, parce qu'elle est 900 fois plus fertile que la terre acide et pauvre amazonienne. C'est une création qu'évidemment les Amérindiens ont vue. Actuellement, c'est drôle parce que le long de l'Amazone, vous voyez des paysans qui vendent des sacs de leur terre, comme de l'engrais, à vrai dire, et tout le monde se précipite dessus. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'elle se régénère toute seule. Vous enlevez de la terra preta et le sol dessous se rechange en terra preta. Donc, c'est vraiment un phénomène tropical. Beaucoup de savants se sont penchés dessus, on ne peut pas entièrement l'expliquer encore, mais c'est tout à fait fascinant. Nous partons à la découverte des peuples et des civilisations disparues de l'Amazonie avec l'archéologue Stéphane Rostin et la journaliste Hélène Saint-Gier. Cet après-midi, nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Te conjuro, te dejo prendado. Encima del techo olvido los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado. Yo te bendigo si te tengo al lado. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi más alta empuñado. Hola, yo aquí, ¿qué? Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. C'était Ote Couturé, Rosalia sur France Inter. Ces soi-disant sauvages ont réussi à cultiver la jungle. Là où nul ne pensait que c'était possible. Nous avons été si orgueilleux et méprisants. Moi autant que les autres. Regarde comment tout est si bien disposé. C'est une précision mathématique. Un extrait de The Lost City of Z, film sorti en 2017 qui retrace l'exploration de Percy Fawcett en Amazonie. Stéphane Rostin, les Occidentaux ont clairement sous-estimé la culture et les savoir-faire des peuples qui ont habité la forêt amazonienne avant qu'ils ne viennent mettre le bazar dans tout ça, en quelque sorte. Ben, plus que sous-estimé, ils l'ont ignoré pendant très longtemps. Je dirais que ça fait quelques décennies que les Occidentaux s'intéressent au savoir amérindien, notamment le savoir pharmacologique, puisqu'on récupère leurs recettes. Alors, on oublie, on pense qu'on est évidemment le centre du monde, c'est humain, mais ça fait que 300-400 ans qu'on regarde cette forêt. Les Amérindiens, ils y vivent depuis 12 000 ans. Ils ont eu le temps de la dominer, de la comprendre et l'utiliser. Alors comment il faut, vous le faites très bien dans votre article dans le 1 Hebdo, là, qui sort aujourd'hui en kiosque, Passion Amazonie. Comment il faut se représenter les lieux justement avant que les Européens arrivent, comment cette forêt amazonienne était aménagée lorsqu'elle était habitée par 10 millions de personnes? Mais c'était, elle n'avait pas grand-chose à voir avec nos jours, puisque il y avait donc une densité plus forte le long des grands fleuves, une densité humaine, mais il y avait surtout beaucoup de transformations, parce qu'on a parlé de la végétation, on a parlé du sol, mais ils ont aussi modifié la superficie du sol en creusant des canaux, des chemins ou surélevant des digues, des monticules pour vivre, pour enterrer leurs morts, pour cultiver. Il y avait donc toute une ingénierie de très forts terrassements un peu partout. Ça, vous l'avez notamment découvert en Guyane, hein, c'est une de vos découvertes vues du ciel. Vous vous êtes aperçu que le sol était vraiment sculpté un peu en forme de damier, expliqué. Alors ça, c'est oui, alors une fois de plus, on m'avait interdit un peu de le faire. On m'avait dit, je voulais faire de l'archéologie aérienne, on m'avait dit, ça sert à rien, avec la canopée, on voit rien. Alors c'était sûrement vrai, mais faut toujours vérifier. Quand les Bretons, on est tendance à être un peu têtu, et je quand même fait mes survols en ULM, et là j'ai découvert des milliers de buttes régulièrement disposées dans les marécages qu'on voyait pas au sol. Au sol, on voit à peine une ombre, mais vu du ciel, c'est juste magnifique. C'est des quadrillages un peu partout. Alors j'ai mis après 15 ans pour prouver, pour que les gens acceptent que c'était pas fait par... On me disait, c'est pas possible que les Indiens aient fait ça. Des sauvages peuvent pas faire ça. On pensait que c'était un paysage naturel, que c'était une construction naturelle. Au départ, il y avait... Alors, on me disait, c'est des guilgailles, c'est des gonflements d'argile naturelle. Alors, je démontrais que c'était pas possible, il faut des fortes variations de température. Après, on me disait, non, c'est les bagnards qui ont fait ça. Alors, je regardais l'histoire, n'en parlais pas du tout, et j'avais beau avancer cet argument, le rejet était finalement du racisme, parce qu'on n'imaginait pas possible que des Indiens aient pu faire ça. Mmh. Et pourquoi ont-ils fait ça, alors, ce système de terrassement et de création de collines? Alors, c'est-à-dire que sur la côte de Guyane, la côte des Guyanes même, on a c'est une plaine côtière inondable, où il y a très peu d'espace cultivable, seulement des cordons sableux, et encore, ils ne sont pas très fertiles. Donc, les Amérindiens ont inventé une technique de surélever des petits plots de 3-4 mètres de diamètre au-dessus du niveau d'inondation pour y planter leur maïs, beaucoup, mais aussi d'autres plantes, pour cultiver. Ils ont créé de la terre, un peu comme l'île palmier d'Abu Dhabi. C'est une création totale sur l'eau pour cultiver. Alors vous faites cette comparaison assez amusante, mais on a souvent cette image en tête que les Amérindiens vivaient en parfaite harmonie avec la nature, en profitant tout en la respectant. Là, on a l'impression, en vous écoutant, qu'ils avaient un impact assez fort sur l'écosystème. Alors comment il faut le voir, ça? Alors, quelle empreinte ont-ils laissé? C'est tout le paradoxe de l'Amazonie. Vous savez, pendant un temps, on l'a pris pour l'enfer, après on l'a pris pour le paradis. L'Amazonie est paradoxale. Il y a beaucoup de végétation, mais les sols sont pauvres. L'Amazonie vit ses paradoxes, et là, c'en est un. Les Amazoniens ont beaucoup transformé leur forêt, leur sol et leur paysage, mais à la différence des Occidentaux qui détruisent, et surtout des Occidentaux industrialisés, hein, c'est depuis l'époque industrielle qu'on est des vrais Attila pour l'Amazonie, rien ne repousse derrière nous. Chez les Amazoniens, c'est le contraire. Toute leur action est réversible. Alors, une forêt va repousser derrière, transformer peut-être, mais elle repousse. Il donne toujours la possibilité de recréation d'un paysage derrière eux. Ils détruisent pas, que ce soit d'ailleurs les animaux, quand ils font des pêches à la Nivrée. La Nivrée, c'est une liane toxique qui étouffe les poissons. C'est une façon de noyer le poisson dans l'eau, finalement. Et donc le poisson est étourdi et ils en récoltent des dizaines, des centaines, mais ils laissent tous les alevins pour que la rivière soit pas dépeuplée. Mmh. Donc il y a une volonté écologique. Alors, j'aimerais pas dire que c'est des écologistes, mais ils ont naturellement c'est une gestion du territoire. C'est pas une simple utilisation, il y a une gestion du territoire. Alors vous citiez cette liane toxique qui les aide à pêcher le poisson. C'est vrai que les Amazoniens ont appris à extraire de la nature des poisons redoutables. C'est un sujet qui vous passionne, Stéphane Rostin, et que vous avez étudié. Les Indiens Matisse vivent de la chasse, comme leurs ancêtres. Et les poisons végétaux n'ont plus de secret pour eux. Comme beaucoup de tribus amazoniennes, les Matisse utilisent des sarbacanes avec des flèches empoisonnées. La substance paralysante injectée à ces deux oiseaux, le fameux curare, est extraite de l'écorce de certaines lianes. La première étape consiste à faire bouillir l'écorce avec des feuilles pour concentrer le poison et lui donner son effet foudroyant. Tous les matériaux nécessaires pour allumer et alimenter le feu viennent de la forêt. Le curare, c'est probablement le poison que l'on associe le plus aux Amérindiens. C'est justifié, Stéphane Rostin? Oui, vraiment. Faut imaginer, par exemple, qu'au moment de la conquête, il y avait des marchés au curare sur l'Orénoque, où plusieurs groupes se retrouvaient parce que chacun avait sa recette. C'est un peu comme le vin. Il y a des crus. Exactement. Il y a des crus de bons curares et d'autres de moins bons curares. Donc, imaginez des grands marchés où se réunissait tout le monde et puis on évaluer la qualité du curare. Mais alors un gros fantasme qui traîne souvent, peut-être un peu à cause de Tintin d'ailleurs, c'est le curare comme arme de guerre. En réalité, c'est une arme de chasse. On ne s'en sert que pour la chasse. La sarbacane a trois gros avantages sur le fusil. Elle est silencieuse, donc elle effraie pas le gibier. Elle est très précise et on peut souffler jusqu'à 50 mètres. Et ça n'abîme pas la peau de l'animal. Et quand on cherche des plumes, par exemple, c'est très intéressant. Et un petit avantage en plus, c'est que comme c'est un poison qui détend les muscles, le singe, s'il tombe de la canopée, ne risque pas d'être retenu par les branches, comme ça arrive souvent, parce qu'au moment de sa mort, il se tétanise. Avec le curare, il se détend, il meurt détendu, en gros, et n'est pas retenu dans les branches, et on n'a pas à aller le chercher en haut de l'arbre. Ouais. Alors, vous êtes commissaire de l'exposition Précieux poisons d'Amazonie, qui est présentée jusqu'au 1er septembre prochain au musée du Quai Branly. Qu'est-ce qu'on peut y voir, justement, dans cette expo? Alors je précise que je l'ai fait avec, j'ai fait une très belle collaboration avec Christelle Quebriac, qui est conservateur des collections du musée d'Aubray. On a travaillé pendant 3 ans. Alors l'idée de cette collection, c'était André Delpouèche, le directeur du musée de l'Homme, qui a beaucoup travaillé dans les Antilles, qui a vu des objets amazoniens qui détonnaient et m'a demandé d'aller les voir. Et ces objets sont deux pièces exceptionnelles qui servent dans les rituels d'absorption des hallucinogènes. Oui. Des pièces qui viennent de la région des Amazones en plus, qui ont été récupérées au 19e siècle. J'ai dit, il y a de quoi faire. Enfin, il en existe que 20 dans le monde. Il y en a 2 en France. Ça vaut le coup d'en parler. Alors c'est intéressant parce qu'on dit poison. On a cette idée mortels. Et là, vous venez de parler d'hallucinogènes. Parfois, ces poisons sont aussi utilisés à des fins curatives. Ils ne sont pas uniquement utilisés pour tuer ou pour donner la mort, ces poisons. Oui, alors je prends poison dans le terme le plus large. C'est-à-dire, c'est un produit qui va avoir un effet positif ou négatif sur le corps humain. Donc, ou même le corps animal. On parlera une minute du dernier poison qui est assez étonnant. Mais j'en avais à vrai dire un peu assez de ces expositions. Il n'y a pas eu beaucoup d'expositions sur l'Amazonie en Europe, mais c'est toujours l'Indien à plumes et à flèches. Et c'est un peu toujours la même chanson. J'avais envie de changer de mélodie. Et je me suis dit que le poison était peut-être un peu plus sexy. Surtout qu'il y avait beaucoup à dire. Il y a le poison, donc le curare, noir, poison de chasse, mais il y a aussi le cyanure qui est dans le manioc amer et qu'il faut extraire pour consommer. Le manioc est aujourd'hui la plante de base, tubercule de base de la diète du régime amérindien. Il faut l'extraire et donc il y a tout un processus très compliqué pour l'extraire. Le troisième poison, c'était donc les hallucinogènes sous forme de poudre ou de breuvage. Alors là, il faut quand même bien préciser que les hallucinogènes sont pas addictifs et qu'on prend pas de la drogue en Amazonie pour... On ne devient pas dépendant. Jamais, parce que tout ce qui est tabac, ayahuasca ou yopo, poudre yopo, ont des effets très très désagréables. On vomit, on a des courbatures, on est mal. À vrai dire, c'est pour changer d'état afin d'atteindre un au-delà. On va rencontrer les non-humains, que ce soit les esprits de la nature, que ce soit les défunts passés, pour parler avec eux, pour apprendre des choses d'eux. Hélène Saint-Gier. Oui, sur ce sujet, il y a un article passionnant dans ce numéro du 1 de Corinne Sombrin, qui est ethnomusicienne et écrivaine, et qui s'est beaucoup intéressée à la transe, notamment du fait de l'ayahuasca et d'autres plantes d'Amazonie. Et elle parle notamment de la façon dont c'est devenu une mode, en fait, pour les Occidentaux, les voyageurs, et les gens qui prennent ces substances sans préparation ou dans un cadre pas du tout adéquat, qui peuvent mener à des accidents, et à l'inverse de l'utilisation parfois thérapeutique de ces substances, parce qu'en fait, c'est un impact sur le corps et sur la psychologie de la personne qui peut être tout à fait intéressant. Vous les avez essayés, Stéphane Rostin. C'est indiscret de vous demander si vous avez essayé ces substances hallucinogènes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé un centre de désintoxication au Pérou, justement à partir de l'ayahuasca, qui aide à détoxifier les gens addicts à la drogue. Donc on s'en sert comme médicament ? On s'en sert comme médicament. Ouais. Beaucoup de ces poisons servent aussi de médicament. Alors c'est quand même à prendre avec prudence, hein, parce qu'en France, ça fait quand même polémique et ça fait beaucoup de ravages, hein, l'ayahuasca. Et surtout, il y a une quinzaine de morts par an, parce que c'est devenu très à la mode chez les New Age de prendre ça. Et comme c'est des préparations. Les chamans, quand ils prennent des drogues, ils se préparent une semaine, un mois à l'avance, ne mange pas de viande, enfin c'est très très pesant. Mais je voulais revenir sur le dernier poison, qui est peut-être le plus fascinant. C'est un petit poison d'une petite rainette, minuscule, qui fait 1 à 2 cm de long, très coloré. Elle produit le poison animal le plus violent au monde. L'animal le plus dangereux au niveau des poisons, c'est une petite grenouille. Oui, il faut toujours se méfier des petits, pas des grands. Les grands, on les voit venir de loin. Et alors, comment utilise-t-il le poison de cette grenouille ? Alors, si vous touchez, c'est un poison dermique, si vous touchez la grenouille avec une plaie, vous tombez immédiatement. Mmh. Et il l'utilise pour changer artificiellement la couleur des plumes sur le perroquet vivant. Mmh. Alors, c'est une technique tout à fait incroyable, unique au monde. On arrache les plumes du perroquet, on le badigeonne avec un mélange de ce venin et de roucou, donc une plante amazonienne, et les plumes repoussent une autre couleur. Et on peut choisir selon le dosage du poison, la couleur des plumes. Non, c'est pas, ça va pas jusque-là. C'est pas à ce point. C'est pas des Léonard de Vinci de la forêt, mais non, généralement les plumes bleues, par exemple, vont repousser jaunes avec une saignée rouge au milieu. Ouais. Et alors, ça tue pas l'animal, et ça, on est un peu étonné. Les scientifiques n'arrivent pas à comprendre comment l'animal ne meurt pas, puisque l'arrachage d'une plume laisse une entrée de sang. Bon, il n'est pas très vaillant après le perroquet. On imagine quand même que c'est pas une expérience à reproduire chez soi si on a un perroquet. Allez, nous poursuivons nos découvertes archéologiques en Amazonie et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Vous allez nous parler dans un instant, Stephen Rostin, des peintures rupestres qui viennent modifier ce que l'on pensait au sujet de l'arrivée des premiers hommes en Amazonie. Ravi, cher ami, jamais je te tournerai le dos, posé à tes côtés. Nous n'avons plus peur de rien, mon panique, mon magique. Des réponses à nos questions, si je suis largué. accueillir demain, mots magiques, nos paniques, dans n'importe quelle direction. Si je suis largué, là maintenant, je sais, je pourrais poser ma main sur ton épaule. Si t'es zen, c'est bon, ne t'en veux pas. Si je m'oublie, s'il te plaît, ne m'en veux pas. C'était à tes côtés, Malik Djoudi et Étienne Dao dans le temps d'un bivouac. Direction le sud de la Guyane, nous partons rejoindre une équipe de scientifiques basée dans la forêt, à 300 km de Cayenne. Pour s'y rendre, aucune route, aucun chemin, pas de fleuve navigable. 1h40 d'hélicoptère à raser les cimes de la plus grande forêt du monde. Voici notre point de rendez-vous. Le massif du Mitaraka, là où les montagnes de granit surgissent de la forêt. Au pied de ces dômes abrupts, à 600 mètres d'altitude, une clairière, c'est là qu'une trentaine de scientifiques a établi son camp de base le temps d'une mission. Et nous arrivons en Guyane par la voie des airs. Alors en l'occurrence, c'était des biologistes, hein, ces scientifiques qui arrivaient sur le terrain d'exploration. Vous travaillez parfois avec des biologistes sur le terrain, Stéphane Rostin ? Oui, alors c'est une chose que j'ai appris en Amazonie, c'est ne plus travailler seul. L'archéologue perdu dans la forêt, c'est un peu disparu, si je puis dire. Maintenant, on travaille beaucoup en équipe interdisciplinaire et on croise de la vraie interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on pose une question ensemble, qui met tout le monde d'accord, et chacun avec ses éléments, ses outils de recherche, apporte des éléments de réponse. Mmh. Et c'est des travaux, c'est ce qui est un peu sorti l'archéologie du bois, si je puis dire, en Amazonie, qui a permis de donner des résultats plus cohérents et de pas s'attacher seulement au tesson qui est peu bavard. Hein. Alors ce travail sur le terrain, Stéphane Rostin, il faut un peu payer de sa personne parfois, hein, parce que ça fait plusieurs dizaines d'années, hein, que vous travaillez en Amazonie. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Ah oui, j'ai un dossier médical qui ferait envie à beaucoup, parce qu'on chope évidemment beaucoup de choses. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas les grosses bêtes qui sont à crâne, mais souvent les petites ou même les toutes petites lianes. Je me souviens avoir été brûlé au second degré par des lianes rouges qui sont des orties puissance 10. Et c'est très surprenant. Il faut faire attention à tout ce qu'on touche. Une fois, j'ouvrais un chemin et j'avais été piqué par un palmier venimeux qui a la mauvaise habitude de se casser et de laisser donc la pointe de ses épines dans la peau. Et j'ai pas fait spécialement attention. J'ai toujours une théorie qui dit plus c'est douloureux, plus ça passe vite. Ça marche jamais, mais je m'y accroche. Ça permet de patienter. Ça vous a fait une main comme un ballon de foot. Exactement, ça a gonflé. Et du coup, une fois rentré à Paris, 15 jours après, c'était vraiment plutôt comme un gant mappa dans lequel vous auriez soufflé. Ah oui, je vois bien l'image. Ouais. Bon, c'était on ça. On aurait pu se passer de la marque, on va dire un gant de cuisine, mais je vois bien l'image quand même. Et donc, je me suis retrouvé dans un hôpital à me faire opérer. Alors, c'était très agréable parce que j'avais 5-6 infirmières autour de moi qui étaient halluciné de voir un type qui a été piqué par un palmier venimeux. Et donc, j'étais choyé pour retirer cette épine. Pendant 2 mois, je n'ai pas pu me servir de ma main. Hein. Hélène Stingier. Oui, j'ai rencontré moi aussi des scientifiques en Amazonie. C'est assez improbable. Donc, c'était en l'occurrence des Allemands de l'Institut Max Planck qui étaient donc à 300 km de Manaus, qui est une ville qui est déjà perdue au milieu de la forêt, pour étudier en fait le climat dans cette région. Ils ont planté, en fait, ils ont construit une tour haute comme la tour Eiffel, en métal, sur laquelle ils ont mis des tas de capteurs pour choper les aérosols, toutes les caractéristiques qu'on peut avoir dans les airs, parce que à cet endroit, l'air est aussi pur qu'avant la révolution industrielle. Et donc, il faut pas fumer à proximité, il faut pas s'approcher avec un moteur pour ne rien troubler. Et donc, ces scientifiques allemands vivent dans un campement, font leurs mesures dans des containers, et ils sont en train de prouver que non seulement la forêt émet l'humidité dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les petites particules particules qui permettent aux nuages de se condenser et donc ensuite de se déplacer et de créer des sortes de rivières volantes qui ont un, comme une rivière, donc un cours et un débit fixe mais dans les airs, ouais, et d'emmener toute cette masse d'eau, à peu près 70% de toute l'eau qui ensuite se déverse sur le cône sud, donc le sud du Brésil, l'Argentine. Et donc tout ça, voilà, ce sont des ouais, personnes comme vous qui se retrouvent ouais, à côté des serpents et des lianes. C'est passionnant, hein, ces recherches qui sont menées sur place en Amazonie. Alors vous, ce qui vous occupe en ce moment, Stéphane Rostin, ce qui vous passionne, ce sont des peintures rupestres dans des abris sous roche. Je vous propose, vous allez nous en parler hein, évidemment, mais je vous propose avant d'écouter la description de ces peintures en Amazonie par le découvreur d'un de ces abris sous roche en Amazonie. Il s'appelle Alain Guébrant. L'interview date de 1951. Nous avons d'abord trouvé une falaise qui avait à peu près 30 à 40 mètres de haut et environ 100 mètres de long et qui était entièrement couverte de peinture. Ces peintures ont quelle dimension à peu près ? C'est très varié. Il y en a un peu de toutes les tailles. Les plus petites sont grandes comme la main et les plus grandes atteignent, disons, 2 mètres sur 3 environ. Mais je vais vous poser une question peut-être absurde. Est-ce que on voit plusieurs manières dans ces peintures ? C'est-à-dire, il serait intéressant de discerner, si vous voulez, plusieurs époques. Eh bien, c'est ce qu'il y a de passionnant, justement. C'est que ces peintures forment un peu un palimpseste car elles sont superposées les unes sur les autres. On a l'impression qu'il y a des générations qui sont passées avec de grands intervalles de temps entre elles, qui sont passées à ce même endroit et qui ont éprouvé un véritable besoin de s'exprimer sur cette pierre et ils ont peint par-dessus les peintures des autres comme si elles n'existaient pas. Ce qui fait que, d'après la superposition, on peut voir évidemment la succession historique de ces peintures. Et en effet, il y a pour le moins 3 manières distinctes et qui se remarquent nettement. L'interview date de 1951, donc Alain Guébrant, le découvreur de ces peintures. Ça se trouve à Lindosa, la Lindosa, hein, je crois, Stéphane Rostin. Vous êtes un peu allé sur ces traces. Alors pendant longtemps, ces endroits sont restés inaccessibles pour des raisons... Politiques, c'est étonnant parce qu'en 51, il venait à peine de rentrer de son expédition. Il avait fait une expédition au Orénoque Amazon. L'idée était de redescendre l'Amazon. Et on avait beaucoup parlé à l'époque. Après, il a écrit plusieurs textes. Il écrit très bien en plus, Alain Guébrant. Et bizarrement, ça n'a pas soulevé des grands intérêts, cette découverte. Et puis surtout, elle est tombée dans l'anonymat pour une raison simple, c'est que les FARC et les narcos ont occupé cette région, c'est au centre de l'Amazonie colombienne. Ouais. Donc pendant 50 ans, on ne pouvait pas y aller. Enfin si, on pouvait y aller, mais on n'en revenait pas. Oui, c'est ça. Il fallait vraiment être très très motivé. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, encore aujourd'hui, c'est difficile d'accès. On est vraiment très difficile dans une zone oui, très très reculée. Décrivez l'endroit où se trouvent alors, ces grottes. S'il y avait un enfer sur Terre, je pense qu'il se situerait à peu près par là. Parce qu'on survole donc la forêt, et tout d'un coup on voit surgir des plateaux géants qui culminent à 1000 mètres d'altitude, donc on est très au-dessus de la forêt, qui sont des plateaux de grès très plats et très aux parois très très très rectilignes et qui ont surgi il y a 180 millions d'années, que depuis ont été très érodés, donc c'est un paysage crevassé, fracturé. Je veux dire qu'on se sent assez mal à l'aise à survoler cette région. Et puis ça s'étend sur une superficie de la moitié de l'Irlande. On a encore dans le gigantisme amazonien. C'est un endroit qui, pour moi, était peu visité par les Amérindiens. D'ailleurs, on connaît ce type de formation. Ce sont les fameux tépouilles. On les voit dans le dessin animé là-haut. Ah oui. Et c'est là que Conan Doyle situe son monde perdu. Donc on les connaît, mais c'est un endroit qui est évité par les Amérindiens. Alors à quoi elles ressemblent ces peintures qui se trouvent vraiment au milieu de nulle part, hein, que vous nous le décrivez? Et puis c'est des dizaines de milliers de peintures. Ouais. Ça représente des êtres. Alors beaucoup ils cherchent à reconnaître ces êtres, que les animaux ou les êtres humains. En réalité, quand on regarde en détail vraiment... c'est plutôt des esprits de la nature. Ce sont des pictogrammes. Ça raconte des scènes mythologiques. On arrive à en reconnaître certaines, parce qu'il faut dire, si les premières peintures sont pas très bien datées, alors certains ont dit 20 000, mais les dates sûres qu'on a pour l'instant, c'est plutôt du 12 000 ans. Les 20 000, ça paraît assez improbable, parce que, en tout cas, si c'était vrai, ça voudrait dire que les hommes sont arrivés beaucoup plus tôt que ce que l'on croit en Amérique latine et en Amazonie. Donc, a priori, sur cette datation-là, il y a vraiment un litige. Il pourrait être arrivé, il y a d'autres sites à 20 000, 22 000, dans le Mato Grosso, par exemple, mais chaque fois il y a des problèmes sur les datations, donc c'est difficile d'être affirmatif pour l'instant. 12 000 on est sûr, il y a eu des fouilles faites à la ligne d'Ossa qui l'ont démontré. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il semblerait que la pratique de peindre sur des parois s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Donc ça serait le second lieu au monde, après l'Australie, où il y a encore des populations non contactées qui continueraient à peindre. C'est-à-dire qu'il y a des peintures récentes, mais on ne sait pas qui a peint, exactement. Non. Ça voudrait dire que dans cette zone, mais ça paraît crédible parce que cette zone semble tellement isolée, il y aurait des peuples non contactés qui continuent d'avoir ces rites de peinture rupestre. Oui, et je pense que c'était des chamans, des apprentis chamans. Vous savez, dans l'Amérique du Nord, on dit que les Indiens des plaines allaient chercher une plume d'aigle. Il y a des épreuves, et d'aller là, c'est déjà une épreuve parce que c'est crevassé de partout, c'est très dur de circuler là-bas. Peut-être des apprentis chamans allaient reproduire les mythes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir des êtres qui ont des costumes, des masques costumes qu'utilisent encore certains groupes de la région. On arrive à reconnaître des mythes amérindiens et qui n'ont évidemment pas 12 000 ans, qui sont plus récents. Donc, et les datations montrent qu'apparemment il y a des fréquentations récentes de ces sites. Suite et fin de notre bivouac en Amazonie dans un instant, et puis vous allez répondre aux questions des auditeurs. Puis nous parlerons aussi de la situation actuelle de l'Amazonie. Il y a ici un diadème en or repoussé, un collier en turquoise et rubis. On n'y touche pas et on dérobe une malheureuse statuette en terre cuite. Ce n'est pas n'importe quelle statue, monsieur le commissaire. Sa valeur est inestimable. Un des derniers vestiges d'une civilisation disparue. Disparue. Civilisation maltèque. Maltèque, quel rapport? Direct. Direct. Éclairez valeur interne. Daniel Fievé. Un peuple d'Amazonie qui a été sauvagement décimé à l'arrivée des barbares. Des barbares. Les conquistadors, l'Europe, vous, moi. Moi, ouais. Oh diable. Le temps d'un bivouac. Et vous? Vous avez bien été là-bas, en Amazonie. Pache. Thank you. c'était Scandale, Lila Downs sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Nous terminons notre visite de l'Amazonie. Et Stéphane Rostin, on peut aussi donner des raisons d'espérer. C'est vrai qu'on a parlé de la déforestation dans cette émission. Il y a aussi une reforestation qui laisse espérer. Oui, il y a une prise de conscience. Et j'aime beaucoup l'exemple de Sebastião Salgado, qui est photographe, qui retournant dans sa terre natale de forêt atlantique, s'est aperçu que la hacienda de ses parents, la fazenda de ses parents, était complètement devenue désertique, de forêt primaire était devenue de nouveau désertique. Et il a décidé, avec sa femme, l'encouragement de sa femme et l'aide de sa femme, de replanter la forêt. Et ils ont planté 3,5 millions d'arbres depuis. Et il y a une forêt, là où il y avait un désert, il y avait une forêt. Donc on peut faire marche arrière encore, et ça donne, hormis les très belles photos que Salgado fait, il peut aussi donner un message d'espoir. Hélène Stingier, on n'a pas tout dit évidemment de ce qu'il y a dans le 1 Hebdo, dont nous sommes partenaires. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre journal ? Mais justement, un grand article sur les résistants de la déforestation, donc qui sont avec leur petit canoë à lutter contre l'immense radeau de la déforestation, mais qui luttent quand même. Oui. Donc ça, les Indiens de la réserve du Xingu, les scientifiques dont je vous parlais dans cette tour pour prouver l'importance de cette forêt pour le climat, et puis des paysans qui replantent la forêt, mais pour en faire une forêt rentable, où on trouve du cacao, des mangues, du poivre, de la maracuja, donc du fruit de la passion, et que tout ça fasse gagner de l'argent plutôt que de couper des arbres. Et un dernier article a mentionné un extrait du livre d'Ingrid Betancourt, qui se sauve mais pour aller dans la forêt. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans la forêt? Et François-Michel Le Tourneau, qui est géographe, qui raconte comment on se déplace dans cette forêt et combien on s'ennuie, en fait. En forêt. Tout ça est à découvrir dans Le 1 Hebdo, qui vient de sortir aujourd'hui en kiosque et qui s'intitule Passion Amazonie. Quelques questions d'auditeurs. Erwan, connaît-on le nom que les Amérindiens donnaient au fleuve Amazone avant l'arrivée des Espagnols? Non, Stéphane Rostin. Non, les premiers explorateurs étaient trop occupés à les piller ou les évangéliser pour les écouter. Eh oui, Jean-Paul vous demande quelles sont les origines des Amérindiens. Venaient-ils d'Amérique du Nord? La théorie principale, l'hypothèse la plus probable actuellement, c'est que le peuplement de l'Amérique par le détroit de Bering, qui à l'époque était qui n'est pas sous l'eau, donc on est passé du continent asiatique au continent américain, et donc on est descendu, les premiers habitants sont descendus soit par cabotage, soit il y a eu pendant longtemps un glacier qui empêchait de passer, mais oui, le peuplement s'étant fait depuis le nord, depuis l'Alaska, il est très probable que il venait en effet d'Amérique du Nord. Merci Stéphane Rostin. Je signale le titre de votre livre pour en savoir plus, Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes. C'est paru chez Belin. Je vous présente notre invitée de la deuxième heure, Catherine Monory. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aviatrice, vous avez été 10 fois championne de France de voltige, 2 fois championne du monde, s'il vous plaît. Et avec vous, nous allons nous intéresser à l'histoire des pionnières de l'aviation. Leurs noms ne sont pas très connus, hein, pas suffisamment en tout cas. Adrienne Bolland, Hélène Boucher ou encore Amelia Earhart. Il s'agissait de femmes libres, engagées, au destin passionnant, et nous allons découvrir leur histoire avec vous, Catherine Monory, dans un instant. Merci Stéphane Rostin et Hélène Singier d'être passés avec nous pour ce voyage en Amazonie. Allez, après le flash, on s'envole avec les pionnières de l'aviation. À tout de suite.